qu'on peut immédiatement enchaîner sur les remarques, sur les questions, sur les rebondissements, allons-y par explosion, par innovation, par marquetage. Comment ? Moi, je fais remarquer les remarques générales. D'abord, c'est vrai que pour des raisons matérielles, c'est plutôt à Jens Tour que je vais m'adresser. C'est vrai que la première chose, c'est que oui, il est bien d'insister sur le fait que l'Aufklärung est dialectique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quand même un élément important de l'institut qu'on appelle couramment l'école de Francfort. L'Aufklärung, les lumières, c'est pas justement quelque chose qui est pure positivité, il y a aussi de la négativité. Et c'est vrai que ça a parfois été reproché plus ou moins fermement à la pensée critique de rappeler que l'Aufklärung avait aussi son côté obscur. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie en tout cas beaucoup dans les penseurs de l'école de Francfort. La deuxième chose, sur laquelle je voudrais quand même peut-être dire quelques mots, c'est que la crise, effectivement, elle est normale. Le capitalisme est un moteur à explosion, si on est d'accord. Mais en ce qui me concerne, je suis persuadé que la crise, elle est finale. Donc, dire que c'est vrai que... On va commencer à chanter, hein. La crise, c'est vrai que c'est le mode d'existence du capitalisme, mais n'empêche que la crise qui nous frappe actuellement, je juge pour ma part qu'elle est finale. Il ne faut pas comprendre que c'est l'Armageddon, hein, ça va être. C'est pas la fin, le catastrophe, ça peut encore mettre du temps. Mais si je pense que cette crise est finale, c'est parce qu'effectivement, ça peut encore durer longtemps, mais qu'il y a deux éléments qui font que cette crise, elle est finalement sans issue, ou plutôt, elle n'a d'autre issue que de changer complètement un système qui est fondamentalement inhumain. Et c'est vrai que le système présent est un système inhumain, parce que s'il peut continuer, il peut continuer un certain temps. Ça ne veut pas dire qu'il est éternel, ça veut dire qu'il peut continuer, et même un certain temps, au prix d'un saccage de tout ce qui est les ressources humaines et naturelles. Bon, le saccage des ressources naturelles, j'ai envie de dire, c'est un petit peu le problème écologique. Hein. Je veux dire, maintenant, on a tous un téléphone mobile, il faut voir que pour qu'il y ait le téléphone mobile, il faut utiliser des éléments rares, et que ces éléments rares, il faut bien les chercher, il faut voir les conditions dans lesquelles on fait ça. Et c'est vrai que le système présent, c'est un système qui ne tient absolument pas compte de la pérennité des choses. Après moi, c'est le déluge, et c'est vrai qu'à cet égard, on est dans une autre logique, une logique qui est, c'est maintenant et tout de suite, avec des arguments, de toute façon, oui, d'accord, c'est peut-être pas très écologique, mais si on veut faire plus écolo, eh bien, on met en péril les emplois, et bon, ok, d'accord. Mais c'est vrai que plus gravement que ça, je pense qu'il y a aussi un saccage des ressources humaines, et c'est vrai que ça, et là, je suis vraiment tristement classique, je pense que là, la vision critique de l'économie présente telle qu'on la trouve chez Marx me semble parfaitement pertinente. Je veux dire qu'il y a au moins deux éléments, à savoir que il est clair que la valeur est produite par les prolétaires, en sachant que les prolétaires sont produits par le capital. Il est clair que quand on parle de puissance productive, ce n'est pas de la production. C'est pas inné. Qu'est-ce que c'est que la puissance productive ? C'est la vie transformée en puissance productive par le capital. C'est-à-dire qu'en fait, on retrouve un petit peu cette idée, effectivement, de l'être humain. Bon, je veux bien que ce soit un petit peu romantique. En tout cas, il est clair que dire que les êtres humains sont de la puissance productive, c'est déjà être du point de vue du capital. Et c'est vrai que là, il y a quand même deux aspects. C'est-à-dire qu'en fait, plus ça va, plus, pour des raisons, je n'ai pas fait le calcul, eh bien, il y a de moins en moins de valeur dans les marchandises produites. Or, structurellement, le système présent n'accorde de l'intérêt qu'à ce qui présente de la valeur. En sachant que la valeur, j'ai dit ce matin ce que j'en pensais. Ça veut dire que, structurellement et tendanciellement, eh bien, il faut élargir les marchés, vendre de plus en plus de marchandises pour que de manière absolue, on puisse réaliser une valeur qui, de manière relative, est toujours moindre dans les marchandises. Et c'est vrai que l'extension des marchés, la nécessité pour le capital d'étendre ses marchés, c'est l'un des éléments qui font que, effectivement, à mes yeux, on va arriver à quelque chose de vital. Mais en plus, c'est pas seulement une extension des marchés. La crise actuelle, c'est pas seulement une crise parce qu'il n'y a pas suffisamment de marchés, parce que, mon Dieu, on entend parler qu'il faut... Il faut produire, il faut... Effectivement, le capital, il a le feu au cul. C'est-à-dire, en fait, il faut trouver des marchés pour produire, pour vendre n'importe quoi. Mais n'importe quoi, durant que c'est à vendre. Mais il y a l'autre aspect. C'est-à-dire que même si, effectivement, il y a la contrainte de trouver de nouveaux marchés, quitte à marcher sur le pied du voisin, parce que finalement, tout le monde veut des nouveaux marchés, tout le monde veut vendre ses marchandises. Même si ça ne sert à rien, c'est pas important. Enfin, je veux dire, ça sert à rien humainement. Mais il y a l'autre aspect, c'est qu'à dire que qu'on appelle la baisse tendancielle du taux de profit, c'est-à-dire en fait le fait que, de manière relative, il y ait toujours moins de valeur dans les marchandises, fait qu'à un moment, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on a de moins besoin des gens pour produire. Et ce qui est frappant, c'est qu'il n'y a pas une journée sans qu'une usine débauche les ouvriers. Or, les ouvriers sont aussi des gens qui vont acheter. Ce qui fait qu'on est en train, par deux, on va dire, par deux processus parallèles, à savoir que on est coincé parce que on va rechercher, parce que c'est avancer ou mourir, des nouveaux marchés. Mais ça, c'est un processus, j'ai envie de dire, classique. Mais l'autre aspect, à savoir que on va de plus en plus ne plus avoir besoin de ces gens dont il faut faire quelque chose. Je dis parfois que si on était logique, on rouvrirait les chambres à gaz. Parce qu'il est clair que de plus en plus... Les gens, on n'en a plus besoin. Ce qui est d'une certaine manière un autre aspect de l'inhumanité du système. À savoir que le système a besoin de moins en moins de gens dont il fait de la puissance productive. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Alors c'est vrai qu'on va montrer, bon là, ce serait une longue exposition, expliquer que, en fait, qu'il y ait de plus en plus de gens sortis du processus de production dont il faut faire quelque chose. Et que ce n'est que partie remise. Et c'est-à-dire en fait qu'on est dans un processus d'accélération de la crise. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on relance des moyens fictifs pour essayer de s'en sortir, on crée du capital. Alors encore une fois, ça crée beaucoup de développement. Et en fait, on ne fait qu'accélérer un processus dont je pense qu'à la différence des crises antérieures, et nous sommes d'accord que depuis un siècle et demi, le capitalisme fonctionne bien, qui n'empêche que là, on ne s'en sortira pas. Mais quand, on n'en sait rien. Et que la seule alternative, c'est ou bien on rentre dans le mur avec une catastrophe générale, destruction des gens, destruction de la planète, et là je ne veux pas être en désaccord avec les écologistes qui disent on est en train de foutre en l'air la planète. Oui, on la fout en l'air, exact. Mais pas seulement, on fait en l'air les gens aussi. Et effectivement, si on laisse les choses partir comme ça, eh bien, on sortira du capitalisme, oui, mais peut-être dans la destruction totale, et peut-être que ça sera dans longtemps. La mort peut être lente, mais on n'en sortira pas. Que la seule alternative possible, c'est de changer carrément le système. Parce que ce système-ci, il n'est pas viable, et qu'il n'y a plus de ressources nouvelles. Les crises antérieures, celle de la fin du 19e siècle, qui faisait croire à Marx qu'on allait être bientôt dans la Révolution, la crise de 29, quand même une crise exemplaire, bon, on s'en est ressorti au prix de guerre. Mais maintenant, il n'y a plus d'issue. Je pense qu'il n'y a plus d'issue. On a évoqué d'autres prises de parole. Je voudrais rebondir. On n'est pas revenu sur la conclusion. Tu parles des issues, il n'y a plus d'issues. Tu avais une conclusion, Philippe, tout à l'heure, en termes de marge. est-ce qu'on pourrait revenir et réfléchir un peu, faire travailler un petit peu la notion de marge, parce que j'ai l'impression que les affinités électives dont Yann Sturck a parlé, elles relèvent aussi d'un travail de marge. Et que chez Benjamin, on a quand même une figure du marginal. Et peut-être qu'on peut essayer, moi j'aimerais bien qu'on puisse travailler un petit peu sur cette notion de la marge, des extases, de là où ça frotte, des résistances, parce qu'on a évoqué des marges avec l'enfant. L'enfant est une de ces marges, peut-être à partir de laquelle on peut penser. Et peut-être, est-ce qu'on peut travailler un petit peu sur ces marges par rapport au mur ? Parce qu'il y a toujours du reste quand même. Moi, je veux dire juste un petit truc, il n'y a pas pour longtemps du coup, c'est que, enfin moi, ça fait un moment que je ne crois plus, je ne suis pas d'accord avec ce qui vient d'être dit, hein, de toute façon, parce que je pense que les guerres, elles doivent être partielles, elles ne sont pas obligées d'être générales, et donc les guerres partielles, ça peut pousser la fin tellement loin que... Mais ah, surtout je suis... Oui, d'accord, mais du coup, je ne suis pas non plus d'accord avec la vision catastrophiste, qui n'est pas ce que tu as exprimé, mais la vision catastrophiste des écologistes, que moi j'ai fondé un mouvement écologique en 1975. Donc je ne suis pas d'accord avec la vision catastrophiste pour plein de raisons, mais bon, on ne la reprend pas. Mais par contre, je voudrais dire un truc là qui concerne peut-être plus ce qu'on a discuté aujourd'hui, c'est sur la question de la résistance. Parce que Michel Barthélémy, lui, a commencé en parlant d'ailleurs de la résistance, elle s'organise selon des formes elles-mêmes standards et qui montrent un certain nombre de contradictions. Moi, je ne crois pas à la notion de résistance, je crois plutôt qu'il y a une notion de tension vers, c'est tout. Et que les marges, elles existent en tant que marge, à condition qu'elles soient en tension vers, par exemple, vers la sortie de l'unidimensionnalité. Bien sûr, elles n'en sortent pas, puisque sortir de l'unidimensionnalité, ça ne veut pas dire faire la révolution, même si ce n'est pas faire comme disait Marcuse, voilà que le loup devient pote avec l'agneau, voilà sans doute qu'il s'est trompé, mais peu importe, c'est pas grave qu'il soit trompé, parce que dans l'homme dimensionnel, là je pense qu'il ne se trompe pas du tout. Mais c'est plutôt la notion de tension, et notamment dans le milieu anarchiste, c'est quelque chose qui souvent ils ont du mal à comprendre, parce que comme anarchie c'est la fin de toute domination, on ne voit pas que l'anarchie, à mon avis, ça n'arrivera jamais. Par contre, la tension vers l'abolition de la domination, des dominations qu'on a et tout, ça c'est possible. Alors après, chacun il fait comme il veut. Après, il y a un autre truc qui est intéressant, c'est que dans la notion de tension, après c'est chacun qui fait ce qu'il veut. C'est-à-dire que bon, il y a ceux qui ont un téléphone portable, il y a ceux qui n'en ont pas, il y a ceux qui chauffent au fioul, et puis ceux qui chauffent au gaz, puis il y a ceux qui chauffent autrement, il y a ceux qui font leur jardin, puis il y a ceux qui ne le font pas. On avait publié au Passager clandestin en 2009 un truc qui s'appelle « Ne sauvons pas le système qui nous broie, manifeste pour les obéissances générales ». Je pense que c'est vraiment ça, c'est « Ne sauvons pas le système qui nous broie, soyons en tension vers chacun quelque chose qui nous fasse sortir de la pensée unique, de l'unidimensionnalité. » Et donc c'est pour ça que je ne crois pas tellement à la résistance, que la résistance, ça supposerait qu'il faut résister au rouleau compresseur du truc, mais le système il a déjà plein de problèmes lui-même, donc oui, il faut résister si on veut, mais c'est plus dynamique de dire qu'on est en tension vers notre propre libération. Ça ne veut pas dire qu'on va y atteindre, absolument pas, mais ça veut simplement dire qu'on est en tension vers notre propre libération, et on peut l'être tout le temps. C'est quand même une manière, hélas, son nuance, mais c'est quand même une manière de résistance, quoi. C'est-à-dire que je voulais dire aussi par rapport à... Je voudrais faire une proposition, c'est qu'à la place du mot de crise, qui maintenant a pris d'autres dimensions, depuis 1945, quoi, et surtout maintenant, quoi, depuis les années 70, ce ne sont plus seulement des crises du capitalisme. Ça a d'autres dimensions et des, comme tu l'as très bien dit, dimensions multifactorielles et même, on pourrait dire, généralisées. Donc moi, je proposerais... le fait d'étudier le nucléaire me confronter à cette question aussi. Est-ce que ce sont des crises, etc. Tchernobyl, c'est une crise, machin, c'est une crise. Donc ce que je propose, c'est d'adopter plutôt le mot de désastre. Plutôt que d'une crise désastreuse. C'est sûr qu'il allait faire un jeu de mots. Mais parce que ça donne une autre dimension, c'est-à-dire c'est une dimension catastrophique, quoi. C'est-à-dire de quelque chose qui est panoptique, quoi. C'est-à-dire dans tous les aspects matériels, intellectuels, spirituels, enfin, tous les aspects de la vie et même de l'existence du monde sont atteints. Quoi. Ah bah oui. Bon, tout à l'heure, par exemple, juste un exemple. Tout à l'heure, je discutais avec Gérard, là. Je disais, bon, il y a qui ici, par exemple, qui ici a lu le rapport qui s'appelle le CERI sur les conséquences des 2400 explosions nucléaires depuis 1945. Est-ce que quelqu'un a lu ce rapport qui s'appelle le CERI qui était dirigé par Chris Busby? Personne. Voilà. C'est pareil dans le mouvement antinucléaire. Donc ce rapport, c'est un rapport pour le coup fait par 46 scientifiques. C'est-à-dire qu'on aura encore, et on aura encore longtemps besoin de scientifiques pour faire la lumière par rapport au nucléaire, comme on aura besoin de gens, d'ingénieurs et de techniciens pour travailler dans les centrales qui sont arrêtées. La preuve à Tchernobyl. Alors, encore, on va lire un rapport pour savoir à quel point l'énergie nucléaire est désastreuse. Oui, oui, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, dans le truc, qui n'a pas lu ce rapport ne sait pas que ces 2400 explosions, ça signifie 65 millions de morts depuis 1945. C'est-à-dire ce que je disais tout à l'heure à Gérard, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est de l'ordre du nombre de morts qui décompté pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc quelque chose d'énorme, quoi. Et on peut faire le même tableau sur d'autres plans, quoi. C'est-à-dire par rapport à ce qu'on a appelé la soi-disant révolution verte, quoi. Est-ce que ça produit partout dans le monde et sur tous les sujets? Ce qui me fait, moi, parler plutôt aujourd'hui d'un totalitarisme démocratique. Avec un dispositif à 360 degrés. Vient compléter cette notion de totalitarisme démocratique. Donc c'est pour ça que la notion de crise, je proposerais vraiment, c'est une proposition, hein. Bon, après, chacun fait comme il entend, mais je proposerais de l'abandonner pour autre chose, je propose le mot de désastre ou un autre. Ben, parce que sinon, il y a un caractère comme momentané, super, qui va se reproduire comme ça sans aggravation, en fait. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction à dire d'un côté que le capitalisme est désastreux, et puis d'un autre côté que quand il produit des désastres, ils sont désastreux? Non, justement, s'il produit des désastres, ça veut dire que le capitalisme fonctionne. Le capitalisme fonctionne comme un système de désastre. Moi, tout de suite, après Fukushima, j'ai écrit un truc. Hein, parce que les catastrophistes, ils nous ont dit, c'est foutu, le sort pacifique, il va être radioactif, et puis tout un tas de conneries comme ça. Moi, j'ai pas lu le série, mais j'ai lu le rapport du CRURAP, qui est assez balèze, etc. Ça s'appelait Fukushima, le nucléocrate et le catastrophiste. Je prenais ce que disaient les gens de l'Institut de sécurité nucléaire, l'IRSN, les trucs de TEPCO qu'on pouvait lire, etc. Et puis, ce que disaient les catastrophistes, il me semble que c'est deux consensus qui s'articulent parfaitement. Pourquoi? Parce que les nucléocrates, ils disent, bon sang, c'est le bordel, il faut absolument que vous nous laissiez gérer le truc pour qu'on essaye d'éteindre le réacteur 4, après le 2, après le 1, après tous ensemble, enfin bref. Et les catastrophes, ils disaient, mais c'est la catastrophe, comment est-ce qu'on va faire pour les arrêter? Eh ben, les seuls qui peuvent les arrêter, c'est les nucléocrates. Donc il faut arrêter de dire que Fukushima, c'est une catastrophe ou c'est un désastre. C'est un désastre, oui, mais à une échelle qui est limitée. Et de toute façon, le capitalisme n'arrête pas de produire des désastres. Donc je dirais que ce n'est pas un désastre. Le vrai désastre dans Fukushima, il ne s'est pas produit en 2011, il s'est produit en 1970, quand ils ont commencé à construire la centrale. C'est là qu'il y a un désastre, c'est un désastre de la pensée. Mais il n'y a pas de désastre en 2011. Et ce n'est pas une position, provocatrice ou je ne sais pas trop quoi. Je regrette, le désastre de Fukushima, ce n'est pas en 2011. On a discuté de ça avec Roger Mélabel-Béoc, avec les gens du comité Stop Nogent, etc. Le désastre dans le mouvement écologique, par exemple, ce n'est pas la merde que c'est devenu le mouvement écologique. Le désastre, si jamais il y a un désastre politique dans le mouvement écologique, c'est le jour où ils ont arrêté de dire stop pour le nucléaire tout de suite. Le seul groupe qui dit stop le nucléaire tout de suite, ou qui le disait, c'était Roger Mélabel-Béoc, donc le comité Stop Nogent, parce que ça veut dire qu'on empêche les gens de comprendre c'est quoi la différence qu'il y a entre chauffer au gaz, à l'électricité et tout, et se chauffer au nucléaire. C'est qu'une centrale thermique, quand elle pète, c'est pas grave. Une centrale nucléaire, quand elle pète, c'est effectivement grave. Mais il faut pas dire que c'est une catastrophe désastreuse et que la planète est finie. C'est faux. 65 millions de morts à l'échelle du nucléaire depuis que le nucléaire existe, ça ne dérange personne. Et j'en veux pour preuve quelque chose qui est malheureusement incontestable depuis 15 jours, c'est que les Japonais, après Fukushima, qui étaient massivement contre le nucléaire, aujourd'hui ils soutiennent Abe. Bon voilà, s'ils soutiennent Abe et ils soutiennent clairement Abe, donc c'est pas une catastrophe, c'est pas un désastre. Je regrette, c'est pas une catastrophe, c'est pas un désastre, c'est le fonctionnement normal du capitalisme. Et je vois pas pourquoi. Et en s'en offusquant, on empêche les jeunes générations qui arrivent après de comprendre ce qui se passe. On empêche les jeunes générations de comprendre. Il suffit effectivement pas de s'offusquer, de s'indigner, on a vu à quoi ça menait. Ouais, c'est ça. Mais simplement de donner le bon nom, par exemple, sur. Pour en parler si tu veux après à la sortie, parce que bon, là, tu fais beaucoup d'analogies et ne sont pas forcément. Comment dire, je perds le fil de ce que je voulais dire. Bon, voilà, j'ai perdu le fil. Ça peut arriver. Si je peux me permettre, en fait, moi personnellement, je tiens à la notion de crise, pas seulement parce que c'est la notion qui est dans l'idée de critique, mais c'est aussi parce qu'en fait, la notion de crise est au début des années 15-20 du XXe siècle, ça a été un problème. Et ce qui s'est passé, c'est que toute une tradition de gauche a dit tout ça, c'est des conneries, on peut s'en sortir. Et en fait, de revivifier la notion de crise, car la théorie critique de Marx est une théorie de la crise, de revivifier ça, c'est un petit peu refermer un petit peu cette parenthèse bien pensante, à savoir, n'exagérons rien, on peut faire mieux, on peut améliorer, on peut faire moins pire, mais on peut pas faire moins pire, c'est parti pour être, effectivement, c'est pour ça que je pense... C'est ça. Non, mais c'est le problème. À l'époque de Marx, ça se posait pas. À l'époque de Marx, ça se posait pas dans les mêmes termes. Non, ça se posait pas. Ah non. À l'époque. Maintenant, c'est global. Et quand tu dis, quand tu dis tous les éléments polyfactoriels de la crise, mais c'est parce que le capitalisme est polyfactoriel. Maintenant, il est sur la totalité de la planète. Non. C'est la question de la conception de l'histoire, comme je te disais tout à l'heure. Comme un long fleuve tranquille. Non. Si tu n'arrives pas, si tu ne pointes pas des ruptures et des sauts, par exemple, dans l'histoire, bah, tu vas forcément en venir à des catégories transhistoriques. Forcément. Bon. Bien sûr, saut, c'est quand on passe du local au général. Non. Bon, alors, il y a Marc, tu voulais prendre la parole, je crois. Je voulais poser deux questions. C'est marrant, ça, quand moi je ne connais pas bien ce passage de référence que je dis sur comment finalement Benjamin, dans son nomadisme intellectuel et à la fois matériel hein, aussi, a réussi à se nourrir de Fourier. En vous entendant, je pensais à une conversation qu'on a eue l'année dernière avec Nicolas sur. Je pensais aux écrits de Henri Lefebvre dans Critique de la vie quotidienne et La somme et le reste. Alors, pas en termes de prospective, pas en termes de propositions telles que vous concluez votre intervention, mais aussi le troisième scénario, c'est. Voilà. Bon. Mais est-ce que des formes d'innervation ou d'explosion comme ça de je reprends votre expression, excusez-moi. Vous dites, donc il s'agit de réveiller, de retourner les rêves du passage, des passages parisiens, en réveil du phalanstère fourriériste, la dissimulation en petit d'un mode de vue, d'un mode de vie qui en fait refuse l'hétéronomie. Bon, le problème c'est que, d'accord sur la métaphore poétique, mais est-ce que. Ce mode de dissémination, d'explosion, d'un retour à une autonomie, alors dans des microcosmes spatialement réduits, pas forcément, il y a le problème de l'espace, de la quantité, bon, de la temporalité, sur combien de temps, est-ce que ça épuise la question du reste, c'est-à-dire que même en imaginant que face à nos vies aliénées, réifiées, et je rejoins assez Gérard Brich, cognitivement, moi je voilà, il faudrait aller voir véritablement, par exemple, dans les recherches, au sens de la négativité méthodologique de la première génération, hein, il faut aller voir sur les formes de mutation cognitive de ce que seront nos enfants. Je suis moins optimiste que, que M. Bonnard. Bon, est-ce que dans ces expériences-là, on retrouvera ce qu'appelait Bataille à l'idée avant, est-ce qu'on retrouvera la part maudite singulière, le point aveugle de chaque sujet, c'est-à-dire l'expérience subjective du vivre ensemble, elle contient une part aveugle que la science ne pourra jamais objectiver. Alors, est-ce que celle-là, on arrivera à la refaire vivre dans des micro-expériences, ou est-ce qu'elle est vraiment morte dans le système du capital actuel tel qu'il nous réifie? Enfin, voilà, je ne suis pas... J'entends bien que l'innervation de petit archipel, le rhizome à la Deleuze, tout ça, mais est-ce que ça épuise la question anthropologique du reste? Ce qui reste en chacun d'entre nous, là. Sinon, on serait pas là. Non, je veux répondre quand même très rapidement parce que ça fait un peu tard à ta question. D'abord, à mon tour, je n'aime pas trop cette expression de la marge. Plus sérieusement, la question porte sur la constitution des subjectivités, quoi, qui sont, une fois de plus, qui sont dans la mobilisation par les capitales contradictoires. C'est ça le point de départ. Si cette contradiction serait dissolue, je ne sais pas pour quelle raison, le fatalisme avait toute sa place, on serait vraiment à la fin de l'histoire. Cette subjectivité contradictoire n'est pas une abstraction, les vécus en nous-mêmes, c'est-à-dire le lien, l'unification, comme dirait Marx, se fait publiquement en dépassant son être privé. On se met ensemble, mais pas d'une manière romanesque, hein, on vit ensemble de toute façon. Et nécessairement, donc, de faire un pas conscient. On peut bien se tromper. Mais si on se trompe, on peut revenir sur ce qu'on a dit et fait. Et d'avancer selon ses propres critères. C'est pour cette raison, normalement, je ne me sers jamais du mot de liberté, hein, de libération, pas de liberté. C'est un mouvement. Et un mouvement qui... D'abord, est concret, donc il faut le faire pour l'analyser. Un mouvement qui me rend extrêmement prudent par rapport à des idées qui viennent de l'un ou de l'autre, de Derrida ou de Fourier, des petites cellules. Pour une raison extrêmement simple, peut-être l'explication de la réponse est vraiment compliquée. Pour quelle raison ces petites cellules se multiplieraient? Si les gens, si les personnes n'en veulent pas, c'est sympa, quoi, hein, une petite communauté d'agriculteurs. Il y en a plein. Il y en a plein. Et depuis très longtemps. Et donc la multiplication, c'est pas comme les lapins qui se multiplient comme ça, parce que c'est la saison. Il faut des raisons. Il faut des raisons d'agir. Il faut que les places en union du monde pour avoir ces perspectives. C'est pas ça. Il n'y a pas de réponse positiviste à cette question. Je veux dire, c'est absolument impossible, c'est comme ça. Je me sens très bien. Et l'organisation d'un autre espace public, ou d'autres espaces publics au pluriel plutôt, que l'espace public d'un site culturel. C'est là où on peut créer sens, on peut créer lien, on peut se sentir aussi. Sauver sa peau, c'est pas mal aussi. Hein. Mais là où c'est important, c'est vrai que dire qu'il n'y a pas de solution, ça ne veut pas dire on se croise les bras. Parce que quand j'ai parlé au début, au début du XXe siècle, il y avait des gens qui disaient on laisse faire le capitalisme qui va crever, et après ce sera le socialisme. Mais c'est pas vrai. Si on laisse faire, la planète sera dévastée. On va laisser n'importe quoi. Et c'est vrai aussi que le, ce que j'ai parlé comme étant la, la subjectivation capitaliste, la fabrication des sujets valeurs, ça ne marche pas si bien que ça tout le temps. Heureusement, il y en a pour lesquels ça ne marche pas. Et, c'est, et là, effectivement, il y a des projets partiels limités qui font que, effectivement, on ne se croise pas les bras. On ne se croise pas les bras. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a effectivement la notion de cette fameuse extase que j'ai entendue là, le fond. Bien sûr, à savoir que rien que dans le domaine, enfin, c'est très limité, mais dans le domaine de la production d'art et tout ça, il est clair qu'on pourrait avoir une vision 100% pessimiste en disant c'est foutu. Mais oui, c'est foutu, sauf que on est quand même quelques-uns pour lesquels ça n'a pas si bien marché que ça. Enfin, bien marché ça, c'est un euphémisme. Et qui vont effectivement, par exemple, essayer de comprendre ce qui se passe. Parce que comprendre ce qui se passe, c'est déjà faire quelque chose. Et comprendre ce qui se passe vraiment et ne pas se laisser avoir par le baratin, par exemple, des économistes, c'est déjà pas mal. C'est pas grand-chose, c'est déjà pas mal. Faire un petit truc, c'est pas grand-chose, mais c'est déjà pas mal. Parce que c'est vrai que on n'est plus au moment où on va faire, je ne sais pas quoi, la propagande pour dire c'est comme ça qu'il faut faire. Ça ne marche pas, l'histoire l'a montré. Mais c'est vrai que lorsque le choix de chacun ce sera, c'est vivre ou pas. En Grèce, c'est ça. En Grèce, c'est ça le choix, c'est ça. Est-ce qu'on veut vivre quand même? Et c'est vrai que lorsque l'alternative, c'est si on laisse faire les choses, on crève, les gens bougeront. Ça oui. C'est, d'une certaine manière, une confiance dans ce qui s'est un petit peu... Alors, Michel Henry parle, il parle de la vie, chez lui. Bah oui. Mais c'est quelque chose. C'est déjà ça. Non, mais c'est déjà quelque chose. À savoir qu'on ne peut pas faire des gens des espèces de robots abîmés. Il y en a pour lesquels ça marche très bien. Ils sont très heureux. Il y en a pour lesquels ça marche moins bien. Merde. Et puis, c'est vrai que les fous furieux des... qui posent un regard critique, ils ne font que jeter de l'huile sur ce feu-là. Essayer de comprendre. Et peut-être essayer de faire des choses qui vont peut-être pas changer complètement, mais au moins changer pour une partie. Et c'est vrai que cette idée de petit groupe qui, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais ils naîtront pas parce qu'on leur a expliqué, hein. C'est fini Lénine. Ils naîtront parce que ces gens-là savent que c'est ça ou crever. Parce que le moment est venu de conclure notre journée de travail. Bonne chance. Je ne vais pas rajouter grand-chose. Je pense qu'on peut tout simplement s'arrêter là pour le moment. On peut imaginer continuer d'étudier et de travailler en d'autres temps et en d'autres lieux. Je tiens à remercier encore une fois Michel Martelly pour cette journée. C'était bien. Je pense que pour le collectif des jeunes, on est très satisfait d'avoir pu mener, en fait, simplement poursuivre le travail qu'on fait dans la revue ici et maintenant. Je pense que c'était assez à l'image du travail qu'on fait depuis une dizaine d'années. Ça part un peu dans tous les sens. C'est dans les moments où ça part dans tous les sens, c'est dans certains interstices que des idées apparaissent et que l'on fait ce que l'on fait. Voilà. On ne fait pas grand-chose, mais on fait des petits archipels et puis on peut circuler et vivre entre les archipels et s'altérer. S'altérer au fil des courants et au fil des roches sur lesquelles on se frotte. Donc je tiens au nom du collectif, au nom de Roman, de Patrick et de l'unité plutôt, je tiens, et des absents, parce qu'on n'est pas très nombreux, mais il y avait quelques absents quand même. Je tiens à vous remercier à tous de nous avoir honorés de votre présence. Merci à vous. Merci.